Zefka ? Je suis chargé de vous informer que vous êtes convié à vous soumettre à un petit interrogatoire concernant votre procès, dimanche prochain. Par la suite, d'autres interrogatoires suivront de façon régulière, pas toutes les semaines, mais régulièrement quand même. Les séances seront brèves. Il est dans votre intérêt que ce procès s'achève rapidement. On vous attend depuis 1h05. Je suis là, maintenant. Oui, mais je ne suis plus dans l'obligation de procéder à votre interrogatoire. Un tel retard ne doit pas se reproduire. Pourtant, avancez-vous. Vous êtes donc artisan peintre. Artisan peintre ? Vous me demandez, monsieur le juge d'instruction, si je suis artisan peintre ? Ou bien vous l'avez simplement constaté ? Ceci est un signe caractéristique de tout ce procès engagé contre moi. Vous allez me dire que ce n'est pas un procès réel. Vous aurez raison. C'est un procès seulement si je le reconnais comme tel. Et si je le reconnais comme tel, ce n'est que par pitié. On pourrait dire que c'est un procès bâclé, mais je ne le dirai pas. Vous voyez, je ne l'ai pas dit. Le procès de Franz Kafka. Feuilleton en 10 épisodes. Traduction et adaptation radiophonique, David Zain-Meyrowitz. Une réalisation de Michel Sidorov. Troisième épisode, Le Greffe, avec Stéphane Valency et Sarah Caponi. Écoutez, il y a une dizaine de jours, ils sont venus m'arrêter chez moi, tôt le matin. J'étais au lit. Vous n'avez pas le droit de quitter votre chambre. Franz ne vous a pas informé. Vous êtes arrêté. Bien évidemment. Et pourquoi donc ? Ce n'est pas de notre compétence de vous le dire. Restez dans votre chambre et attendez. La procédure est engagée, c'est tout. Pour le reste, vous le saurez en temps voulu. Peut-être se sont-ils trompés ? Peut-être voulaient-ils arrêter un artisan peintre ? Tout aussi innocent que moi ? Deux gardiens grossiers me sont tombés dessus. Ils voulaient que je leur graisse la patte. Ils m'ont volé des vêtements. Pourtant, si vous avez de l'argent, nous sommes prêts à aller vous chercher un petit déjeuner au café d'en face. Et ce n'est pas fini. Ils m'ont traîné jusqu'à l'inspecteur qui s'était installé sans vergogne dans une chambre voisine de la mienne, celle d'une jeune femme que j'estime beaucoup. Mais c'est la chambre de mademoiselle Bürstner. Vous n'avez pas le droit... Vous n'êtes pas surpris. Vous pouvez bien imaginer le désordre qui régnait dans cette chambre après la visite de ces messieurs. Très calmement, j'ai demandé pourquoi j'ai été arrêté. Je ne puis vous dire si vous êtes accusé. Vous êtes arrêté, ça c'est sûr. Mais je n'en sais pas plus. Et ce n'est pas terminé. Il y avait 3 employés, subalternes, de ma banque, dans la chambre de mademoiselle Bürstner, où ils ont dérangé ses photos personnelles. En tout cas, pour vous faciliter la tâche et faire de votre arrivée à la banque un déplacement discret, j'ai tenu ces 3 messieurs, des collègues à vous, à votre disposition. Rabensteiner, Kulir, Kaminer. Et maintenant, je sais pourquoi l'inspecteur les a fait venir. Et c'est pareil pour ma logeuse, Madame Grobar. Le rôle est de propager la nouvelle de mon arrestation, de porter préjudice à ma réputation et compromettre ainsi ma position à la banque. Monsieur le juge d'instruction semble avoir des amis dans la salle. Il a des complices parmi vous ? Cela m'est égal. Monsieur le juge d'instruction, je vous autorise à donner vos ordres à voix haute. Allez-y, faites-le siffler, applaudissez. Ce procès est dérisoire. Il ne me concerne pas vraiment, donc je vais m'en aller bientôt. Tout ça n'a pas grande importance. Il ne faut pas en faire une tragédie. Mais avant de partir, j'ai encore quelque chose à vous dire. Malheureusement, le cas de K n'est pas un cas unique. Je ne parle pas pour moi, mais pour les autres gens à qui les mêmes choses arrivent. Car derrière mon arrestation se cache une vaste organisation. Organisation qui non seulement emploie des gardiens crapuleux et des juges d'instruction minables, mais aussi une armée de fonctionnaires, policiers et peut-être aussi, je n'ai pas peur du mot, des bourreaux. Quel est le sens, messieurs, de cette vaste organisation ? Arrêter des gens innocents et leur faire subir un procès absurde, comme à moi. Face à l'absurdité de tout cela, est-il vraiment possible d'éviter la corruption des fonctionnaires ? Impossible, même le juge de plus haut rang n'y échapperait pas. Donc, les inspecteurs pénètrent des logements par effraction, les innocents sont humiliés devant des assemblées au lieu d'être interrogés, les gardiens volent les vêtements dans le dos des accusés. Mes gardiens à moi m'ont parlé des dépôts où les affaires des accusés sont stockées. J'aimerais bien un jour jeter un œil dans ces dépôts et vérifier si les affaires saisies sont toujours là, en train de pourrir, ou si entre-temps elles n'ont pas été volées par des fonctionnaires pervers. Et vous, messieurs aux barbes blanches, c'est vous qui décidez de mon sort? Avez-vous quelque influence? C'est vous les fonctionnaires? Quel clic pourri! Vous êtes là pour écouter, pour espionner. Et vous ne dites rien. Même l'humiliation du juge d'instruction tout à l'heure ne vous a pas sorti de votre coma. Oh! Qu'est-ce qui se passe? C'est la blanchisseuse. À l'autre bout de la salle, un homme la serre tout contre lui. L'homme crie et semble saisi d'un rictus. Pour le moment, on dirait qu'il est paralysé. Il regarde au plafond. Bizarre. Voilà enfin quelque chose qui vous intéresse. Messieurs, je prends congé. Attendez, une remarque pour votre bien, Joseph K. Aujourd'hui, vous vous êtes privé de l'avantage précieux qu'un interrogatoire représente pour une personne en état d'arrestation. Bande de crapules ! Vos interrogatoires, je vous en fais cadeau ! Est-ce que K se trompe ? Est-ce qu'il juge mal ces gens ? Surestime-t-il les faits de son discours ? Le public l'a-t-il vraiment écouté ? Est-ce qu'ils ont pris au sérieux son défi de passer outre les interrogatoires ? Il a dit ça sur un coup de colère. Et si on ne convoque plus, qu'arrivera-t-il ? Quand ça? Tout de suite et sans faute. Maintenant? Cela ne me convient pas. Je vous conseille très fortement de vous présenter et de bien vous garder de toute forme de désobéissance. Déjà, vous avez fait des remarques sur l'inefficacité des interrogatoires. Ils n'aboutissaient à aucun résultat. Vous alliez désormais refuser toute convocation par téléphone ou par écrit, que vous alliez fermer la porte au nez des messagers. Et alors? Cela a déjà beaucoup nuit à votre affaire. Jusque-là, nous nous sommes montrés patients. Cette convocation aujourd'hui est une ultime tentative de vous ramener à la raison. Et si je continue ainsi? Le tribunal ne peut pas permettre qu'on se moque de lui. Et si je ne viens pas? Nous saurons vous trouver. Et est-ce qu'on me punira si je ne viens pas de mon plein gré? Non. Très bien. Donc pourquoi répondre à la convocation d'aujourd'hui? Ce serait imprudent de ne pas le faire. Il serait très imprudent de ne pas y aller. On doit apprendre à connaître le fonctionnement du tribunal. Toutefois, K se dirige vers chez Elsa, comme chaque mardi soir. Au téléphone, il n'a pas donné sa réponse définitive au tribunal. Peut-être que le juge l'attend. Peut-être même toute une assemblée. Tout le monde est là pour l'attendre. En particulier la galerie. Mais K ne vient pas. Thank you. La semaine suivante, K attend fébrilement une nouvelle convocation. Mais rien. Pourtant, le dimanche, il se rend de son plein gré au tribunal. Pour la deuxième fois. Mais il n'y a pas de séance aujourd'hui. Et pourquoi ? Comme tout est sale ici, et on appelle cela un tribunal ? Donc vous êtes blanchisseuse ? Je m'occupe du linge sale du tribunal. Mon mari est huissier de justice. Nous sommes logés ici. Nous libérons la pièce les jours de séance et puis... Vous êtes mariée, vous ? Pourquoi pas ? Mais dimanche dernier ? Avec l'étudiant ? J'ai peut-être dérangé votre discours devant le tribunal. Sur le coup, cela m'a rendu furieux. Et maintenant, vous me dites que vous êtes mariée. J'ai bien fait de vous interrompre. Après votre départ, le tribunal a porté des jugements très sévères à votre égard. Cela n'excuse rien. L'étudiant qui m'a embrassée, Berthold, me poursuit depuis longtemps déjà. J'y suis pour rien, moi. Je ne suis pas très séduisante pour les autres, mais lui, il est fou de moi. Il ne me laisse jamais tranquille. Même mon mari doit le supporter, s'il veut garder sa place. Un jour, Berthold aura un poste de la plus haute importance au tribunal. Mon plaidoyer, vous l'avez trouvé comment ? J'ai raté le début et la fin. Comment ça ? J'étais par terre, avec l'étudiant. Évidemment. Mais j'ai compris que vous voulez apporter des améliorations au tribunal. Améliorer ce tribunal ne fait pas partie de mes préoccupations. Mais comme je suis soi-disant arrêté, il a fallu que je me défende. Je peux vous être utile ? Pour mon procès ? Oui. Oui. Oui, vous pouvez m'aider. Ces livres juridiques, par exemple, le code pénal, puis-je y jeter un coup d'œil ? Non, c'est interdit. Ils appartiennent aux juges d'instruction. Ce sont sûrement des manuels juridiques. Sûrement. Vous comprenez ? Non seulement ils condamnent un innocent, mais en plus ils veulent le tenir dans l'ignorance de la loi. Sûrement. Si je ne peux pas les regarder, je m'en vais. Attendez ! Oui, bien sûr. Allez-y. Le code pénal, tome 1. Les tourments de Grete infligés par son mari Hans. C'était jour de fête au village. Hans ligota les mains de sa femme avec une corde solide pour l'empêcher d'exhiber ses fesses devant tout le village comme à la dernière fête. Hans avait bu 5 chopes de bière avant d'aller faire ses prières à l'église. Grete hurlait en patois « Lâche-moi, ordure, fumier !» Donc c'est ces gens-là qui vont juger Joseph K. Où allez-vous ? Je vous aiderai. Vous voulez bien ? Vous pouvez le faire sans courir les mêmes risques. Vous me disiez tout à l'heure que votre mari dépend du tribunal. Je le ferai quand même. Donc elle s'offre à K. Cette blanchisseuse est pourrie comme tout le monde ici. Elle a fait le tour des employés du tribunal. Elle se jette sur le premier venu. K pense qu'il ne tombera pas dans le piège. Vous ne pouvez pas m'aider. Vous ne connaissez que des juges de bas étage. Pour mon procès à moi, il faut de vraies relations, de haut rang, des fonctionnaires de première classe. Vous avez de beaux yeux. Je l'ai remarqué déjà la première fois quand vous êtes venu ici. On me dit que moi aussi j'ai de beaux yeux. Mais les vôtres sont plus beaux que les miens. Vous me plaisez aussi. Surtout quand vous me regardez tristement comme ça. Mais vous faites partie des gens que je dois combattre. Comme par exemple cet étudiant que vous semblez aimer mieux que votre mari. Suis-je vraiment insignifiante ? Vous ne voulez pas rester encore un instant avec moi ? Je peux vraiment vous aider pour votre procès. L'issue de mon procès m'importe peu. Une condamnation me ferait rire si un beau jour le procès se termine. Pour cela, j'ai des doutes. Mais il n'est pas question que je paie des pots de vin à des fonctionnaires ici. Vous pouvez le faire savoir au juge d'instruction, même s'il n'est qu'un fonctionnaire subalterne. Vous le connaissez ? Bien sûr, je le connais. Dimanche dernier, après votre interrogatoire, il... Le juge d'instruction. Est resté après la séance pour rédiger son rapport aux instances supérieures. Instances supérieures ? Entre-temps, mon mari est rentré. Nous avons réinstallé notre chambre et nous sommes allés nous coucher, tout en laissant le juge d'instruction à sa rédaction. Pendant la nuit, je me réveille en sursaut. Qui est-ce qui est là, tout près ? Le juge d'instruction. Il met la main devant la lampe pour empêcher la lumière de tomber sur le visage de mon mari. J'ai eu très peur. J'ai failli crier, mais le juge d'instruction me demandait d'être discrète. Il me chuchote à l'oreille pour éviter de réveiller mon mari. J'ai travaillé tard sur le foutu rapport de Joseph K. Mais jamais je n'oublierai l'image que vous m'avez offerte dans votre sommeil, madame. Donc, vous avez une véritable influence sur lui. Il me fait la cour. Regardez ses bas de soie. Il m'en a fait cadeau. Le juge... D'instruction. Touchez. Ils sont trop fins pour mes jambes. Touchez. Ils sont si fins. Chut. Bertolt nous observe. C'est le stagiaire préféré du juge d'instruction. Regardez comme il est laid, avec ses jambes tordues. Il faut que j'y aille. Mais quand il en aura terminé avec moi, je reviendrai et vous pourrez m'emmener où vous voulez et faire de moi tout ce que vous voudrez. Vous voulez ? Oh. Oh. K cherche une vengeance. Il est 1000 fois supérieur à tous ces gens du tribunal. Pourtant, il continue à subir leurs humiliations, comme à l'instant. N'est-il pas encore libre d'anéantir ce tribunal et ses fonctionnaires ? Il peut encore leur cracher son innocence au visage et faire un feu de joie des actes d'accusation. Mais la blanchisseuse lui offre une autre solution. Quelle merveilleuse manière de se venger du juge d'instruction et de tout le tribunal que de leur voler cette femme ronde et laiteuse, souple et chaude, vêtue d'une robe grossière et la garder pour lui tout seul. Imagine la scène. Le juge d'instruction fourbu, après une nuit de travail sur des rapports mensongers, à tâtons dans le noir, à la recherche désespérée de la blanchisseuse qui appartient désormais à K. Partez ! Cette femme est à moi maintenant. Vous, allez-vous-en. Personne ne veut de vous ici. Vous partez. On n'aurait pas dû vous laisser libre. Au moins vous assigner à résidence. Je l'ai dit au juge d'instruction, mais il n'a pas voulu m'écouter. Imbécile. Venez, madame. Ah non. Vous ne l'aurez pas. Arrêtez. Déposez cette femme. Tout de suite. Je vais vous étrangler. Inutile de l'arrêter. C'est le juge d'instruction qui l'envoie me chercher. Je ne peux pas aller avec vous. Ce monstre ne me lâchera pas. Je vais vous délivrer. Non, surtout pas. Le juge d'instruction me veut. Et tout de suite, c'est un ordre. Je dois obéir. Où allez-vous ? Revenez. K doit reconnaître que c'est la première défaite que les gens du tribunal lui ont fait subir. C'est sa faute pour avoir cherché le combat en donnant un coup de poing à Bertolt. Chez lui, en menant sa vie normale, il était 1000 fois supérieur à ses gardiens et il pouvait se libérer une route en donnant un coup de pied. K commence à être inquiet de son état de santé. K voulait saisir la main de la femme qui cherchait à se rapprocher de lui juste au moment où l'étudiant commençait à parler. Bertolt est bavard et orgueilleux. Mais comme il a de l'influence sur le tribunal, peut-être qu'il serait prêt à donner des renseignements au sujet de la plainte contre K. Une fois en possession de ces renseignements, K pourrait sans le moindre doute balayer la plainte d'une main et donc mettre fin à tout le procès et en même temps affoler tout le monde. C'était Le procès de Franz Kafka, feuilleton en 10 épisodes, traduction et adaptation radiophonique, David Zain Meyrowitz. Troisième épisode, Le greffe, avec Stéphane Valency, K, Sarah Caponi, la blanchisseuse, Frank Kronovsek, la voix au téléphone, Pascal Bécard, le juge d'instruction, Grégory Kidel, l'étudiant Berthold. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Bernard Lagniel, Emmanuel Armingue. Assistant, Guy Peramor. Réalisation, Michel Sidoroff.